je ne comprends pas. Moi, je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis, nous donnons la place à ceux qui semblent ne pas en mériter, à des objets inattendus. Et aujourd'hui, le poil. Avez-vous déjà remarqué qu'on ne parlait jamais du poil? Enfin, qu'on ne parlait jamais du poil en tant que tel, mais toujours des poils. Avez-vous d'ailleurs remarqué qu'on parlait rarement de poils avec sérieux, si ce n'est comme un sujet intime, incongru, dérisoire, voire indigne? Comme si cette production de l'épiderme qu'on a beau couper, épiler, tailler et qui ne cesse de repousser, comme si cette chose en plus, en surface, malléable à souhait, n'avait pas une essence, une nécessité, des techniques et des normes. Pourtant, le fait même de la couper, de l'épiler, de la tailler, et le fait même cependant de la taire, aurait dû nous mettre sur la voie. Le poil est partout, sur les jambes, les fesses, la tête, et surtout dans la tête. Cette boule de poil est mon fils. Bah oui, mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage, et je suis un pot à tapin, mais je réclame le droit de vivre, voilà! Oh, allez donc faire votre toilette, cette barbe est vraiment déplaisante. Dites-moi, Christiane nous a dit que vous travailliez dans la coiffure. Oui et non. Oui et non, enfin. Parce que je m'occupais de perruques, de postiches, de toupets. Vous n'avez pas idée du nombre de personnalités qui portent des perruques. Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont chauves? Énormément. Marilyn Monroe. Enfin. Marilyn Monroe. Ah. Comme ça, comme un œuf. Ça, c'est les soucis, ça. Ne me marche pas sur les poils. Les poils. Vous pouvez les aimer ici, mais moins là. Ou ne pas aimer les vôtres, mais aimer ceux des autres. Vous pouvez aussi les aimer et ne pas avoir envie de les voir. Oui, vous avez le droit. Et on vous le prouve en vous donnant le choix avec la plus large gamme de produits. Vos poils, vos choix, nos produits. Dis donc, il y a deux poils là-dedans, des grands poils. Je crois qu'un poil pubien d'un autre monde flotte dans mon jean. Je vous demande pardon. Berk, les poils. C'est sale. Bonjour Eric Fiat. Bonjour Géraldine. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour parler donc du poil, je crois qu'on l'a compris. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris-Est Gustave Eiffel, vous êtes responsable d'un master d'éthique médicale et hospitalière appliquée et vous êtes en pleine préparation d'un livre sur le poil pour les éditions de l'Observatoire. Alors j'ai l'habitude, je dois dire, de commencer cette émission du vendredi en demandant à l'invité une définition de l'objet du jour, mais avant, avec vous, j'aimerais savoir pourquoi travailler sur le poil. Ah, sans doute qu'à l'origine du choix d'un sujet, il y a comme toujours un faisceau de raisons, un bouquet de raisons. Mais dans ce bouquet, permettez-moi de choisir trois fleurs et de vous les offrir. La première fleur, ce serait ce goût, je dirais, jankélévitchien, pour ce qu'il appelait magnifiquement les chemins dérobés, secrets, oubliés des promeneurs qui n'ont pas été jugés dignes d'être mentionnés dans les guides bleus de la philosophie. Et d'ailleurs, chère Géraldine, j'ai le goût de supposer que quelque inspiration jankélévitchienne est à l'origine de votre décision de consacrer vos vendredis aux objets inattendus de la philosophie. Et ben pourquoi pas, c'est vrai. C'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. En effet, il s'agit au fond de faire l'école buissonnière. Et je ne choisis pas cet adjectif au hasard, parce que sans doute parlerons-nous tout à l'heure tous les deux des buissons qui ornent les corps humains. Faire l'école buissonnière, c'est au fond emprunter les chemins qui ne mènent pas à Rome ou qui ne mènent pas à Athènes, en une sorte d'heuristique de la marginalité, je dirais. Voilà pourquoi on peut choisir, c'est ma première fleur, ce sujet un peu étonnant, en espérant que le choix d'un sujet marginal ne soit pas un snobisme, hein, le snobisme de philosopher sur les sujets autres que, comme vous aimez à dire, la justice, le temps et le bonheur. La deuxième fleur, peut-être plus sérieuse, est la suivante. Ce travail, en effet, ce désir d'écrire un grand traité des petits poils, ou une petite philosophie de la pilosité, j'hésite encore sur le titre, eh bien s'inscrit, je dirais, en amusante continuité de travaux sur l'incarnation, sur la pudeur, sur le corps et l'âme. Je pars, si vous voulez, de ce fait qui me paraît peu contestable, qui est qu'aucun être humain ne laisse son corps à l'état de nature, ne laisse son corps dans l'état où la nature le lui livre. Et je dirais que chaque jour que Dieu fait, enfin si c'est Dieu qui fait les jours, nous vêtons, lavons, ornons, parfumons nos corps. Nous les ornons de bijoux, de breloques, mais aussi de ces mines, de ces attitudes, de ces postures qui sont déjà une façon de ne pas laisser nus. Mais alors pourquoi donner plus d'importance à tous ces gestes-là, à moins d'importance à tous ces gestes-là que à ce que vous avez dit, le fait que nous rasions, coupions, coiffions, teignions, tressions et détressions nos poils? Eh bien c'est parce que nos toisons, duvets, buissons, tignasses, touffes diverses se laissent transformer sans récalcitrer. Là où en revanche, malgré les progrès, il faut peut-être y mettre bien des guillemets, de la chirurgie esthétique, nous ne pouvons pas changer de nez, nous ne pouvons pas changer de sein, nous ne pouvons pas changer de taille à loisir. Voilà pourquoi il me paraît que nos poils sont le lieu privilégié de notre puissance métamorphique. Nous ne pouvons pas changer de corps, mais nous pouvons changer le corps. Et puis enfin, une troisième raison, une troisième fleur, elle est peut-être plus personnelle, donc peut-être plus difficilement discible. Mais si, comme Comte Sponville, on dit que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée, eh bien, je vous dirais quelques étonnements miens, qui sont peut-être à l'origine de cet étrange projet, dont le premier, puisque vous l'avez mentionné, je m'occupe un peu d'éthique médicale, c'est l'étonnement mien de voir cette espèce de hiatus qu'il y a entre les médecins et les malades au sujet des conséquences de la chimiothérapie, si vous voulez, l'alopécie consécutive à la chimiothérapie est souvent vue par les médecins comme l'effet très secondaire d'un traitement dont on espère quelque efficacité, alors que cette alopécie peut être vécue par les femmes et même les hommes malades comme une espèce de déchéance, comme une espèce d'humiliation. Il faudra enlever la perruque ou le turban et se rendre le crâne nu comme une déportée au bloc, voyez. Autre étonnement, j'ai commencé ma carrière d'amoureux à une époque où il n'était pas rare que le corps féminin fut orné de 3 buissons. Je termine ma carrière d'amoureux à une époque où il n'est pas rare que le corps féminin ne comporte aucun buisson. Et puis, pour finir, j'ai le souvenir aussi de récits liés à la guerre, notamment de cet homme qui rentre d'Allemagne après 5 années de stalag et qui, espérant peut-être d'abord un mot de tendresse, sans doute si longtemps espéré, eh bien, eut l'humiliation du « Oh, tes cheveux !» Oui, parce qu'il avait commencé de les perdre pendant l'occupation, pendant la guerre. Et puis, je me souviens aussi qu'à la fin de la guerre, eh bien, une bourgeoise un peu trop proche des Allemands avait évité la sanction des résistants de la 25e heure. Mais une pauvre fille, amie de ma grand-mère, eh bien, comme disait Brassens, son penchant prononcé pour les ich liebe dich lui valut de porter quelques cheveux postiches. Voilà à peu près les 3 fleurs que j'ai envie de vous offrir. Merci, cher Eric Fiat. Écoutez, je vous en proposais une 4e de fleurs, une fleur qui est proprement philosophique, je dirais, et qui se trouve dès l'Antiquité, dans un texte de Platon, et qui est en fait le défi de Parménide lancé à Socrate de penser une idée du poil. Parménide s'exprima en ces termes. Que tu es louable, Socrate, dans ton ardeur pour les recherches philosophiques. Mais dis-moi, distingues-tu en effet, comme tu l'as dit, d'une part les idées elles-mêmes, et de l'autre ce qui en participe? Peut-être y a-t-il aussi quelque idée du juste, du beau, du bon et de toutes les choses de cette sorte? Et quoi, y aurait-il aussi une idée de l'homme séparée de nous et de tous tant que nous sommes? Enfin, une idée en soi de l'homme, du feu ou de l'eau? J'ai souvent douté, Parménide, répondit Socrate, si on en doit dire autant de toutes ces choses que des autres dont nous venons de parler. Es-tu dans le même doute, Socrate, pour celle-ci qui pourrait te paraître ignoble, telle que poil, boue, ordure, enfin tout ce que tu voudras de plus abject et de plus vil? Et crois-tu qu'il faut ou non admettre pour chacune de ces choses des idées différentes de ce qui tombe sous nos sens? Nullement, reprit Socrate. Ces objets n'ont rien de plus que ce que nous voyons. Leur supposer une idée serait peut-être par trop absurde. Cependant, quelquefois il m'est venu à l'esprit que toute chose pourrait bien avoir également son idée. Mais quand je tombe sur cette pensée, je me hâte de la fuir de peur de m'aller perdre dans un abîme sans fond. Je me réfugie donc auprès de ces autres choses dont nous avons reconnu qu'il existe des idées, et je me livre tout entier à leur étude. C'est que tu es encore jeune, Socrate, reprit Parménide. La philosophie ne s'est pas encore emparée de toi, comme elle le fera un jour, si je ne me trompe, lorsque tu ne mépriseras plus rien de ces choses. C'est quand même très difficile de prendre la parole sur une telle musique, la musique de Vivaldi que vous nous avez recommandée, Eric Fiat, qu'on a décidé en fait d'accompagner le texte de Platon, donc le Parménide, donc ce dialogue entre Socrate et Parménide, où Parménide demande à Socrate si des objets, des choses telles que le poêle, la boue ou les ordures sont dignes d'avoir une idée. Il y a deux choses dans ce texte, Eric Fiat. D'une part, dire que ces choses sont des choses ignobles, ça c'est quand même déjà une première chose. Et d'autre part, penser que pour penser une chose, il faille forcément la penser de manière unique et simple à partir d'une idée. En effet, vous détectez fort bien les deux choses qu'il y a dans ce texte, et je dirais que j'ai à l'endroit de ce texte un rapport un peu ambivalent. Premièrement, je suis gré au vieux Parménide de dire au jeune Socrate qu'aucun objet n'est méprisant. Là encore, Parménide est peut-être un des inspirateurs de vos journées du vendredi. Oui, on peut philosopher sur tout, et même sur ces objets jugé vil, abject et méprisable que serait la boue, l'ordure et le poil. Socrate ne voulait pas philosopher sur ces sujets-là. Parménide lui dit que quand tu vieilliras, peut-être tu le feras. Mais je suis moins gré à Parménide de vouloir aborder cette question du poil précisément en idéaliste. Et aborder cette question du poil en idéaliste, c'est fermer les yeux sur la diversité variée de nos pilosités pour les ouvrir sur cette idée de poil ou ce poil en soi. Qu'est-ce que c'est qu'être idéaliste? Eh bien, être idéaliste, c'est prendre parti pour l'idée. Si le bonapartiste prend parti pour Bonaparte, l'idéaliste prend parti pour l'idée. Mais qu'est-ce qu'une idée? Eh bien, à cette question, je crois qu'un autre dialogue de Platon répond magnifiquement, c'est le Ménon. Lorsque Ménon demande à Socrate, est-ce que la vertu s'enseigne ou est-ce qu'elle est un don de nature? Réponse de Socrate, écoute, je ne sais même pas ce que c'est que la vertu, donc comment te répondre? Ah bon, tu ne sais pas ce que c'est que la vertu? Et non, je crois n'avoir jamais rencontré personne qui le sût. Tu as bien rencontré Protagoras qui lui disait ce qu'est la vertu. Bah oui, je ne sais pas. Et à ce moment-là, Socrate demande à Ménon de lui donner une définition de la vertu. Et Socrate et Ménon répondent, ça n'est pas difficile, car la vertu dépend de qui on est, de ce que l'on fait. La vertu d'un homme n'est pas celle d'une femme, la vertu d'un esclave n'est pas la vertu d'un maître, etc. Et mot célébrissime de Socrate, j'ai bien de la chance, Ménon, je te demandais une seule vertu, et voilà que je suis devant un véritable essaim. D'ailleurs, puisqu'on parle d'essaim, si je te demandais ce que c'est qu'une abeille, tu ne me dirais pas qu'il en est des grosses et des petites, des ouvrières et des reines, des orangées ou des jaunes. Non, tu chercherais ce qui est commun à toutes les abeilles. Eh bien, c'est ça l'idée. L'idée, et eidos en grec, c'est la forme visible par les yeux de l'âme, ce point commun qui est commun à toutes les choses qui portent le même nom. Et vous vous souvenez que le cher Ménon va récalcitrer enfin cette idée qu'il faille absolument chercher une idée de vertu. Eh bien, je comprends Ménon, parce que je dirais que le poil en soi, l'idée de poil, ce modèle de tous les poils dont tous les poils procéderaient, m'intéresse beaucoup moins que ce que j'appelais tout à l'heure cette diversité variée de nos pilosités. Je veux dire par là que les sourcils de ma bien-aimée ne sont pas même chose que les poils que j'ai aux pattes. Les cheveux des anges ne sont pas des poils de chatte. Les crins des chevaux sont autre chose que nos cils. Et par conséquent, c'est cette diversité bigarrée qui m'intéresse, pardon. Mais le risque, c'est de tomber dans le relativisme, de renoncer à l'idée de penser le poil, alors plutôt les poils, dans une forme de construction générale. C'est-à-dire de se dire, finalement, chaque zone, chaque poil, chaque personne, chaque poil, chaque activité, chaque poil, chaque technique, chaque poil, et finalement, de ne rien dire du poil que ce que chacun peut en faire. Alors ce risque-là, en effet, c'est le risque que Socrate veut se prémunir. Hein, j'ai bien de la chance, je te demandais une seule vertu, et voilà que je suis devant un essaim de vertu. Il ne faut pas démembrer la vertu. Mais le dialogue, qui au début est une sorte de combat entre l'idéaliste Socrate et le relativiste, mais non, va, je crois, être tranché quelques années après par Aristote. Car Aristote, au fond, renvoie à dos l'idéaliste et le relativiste. C'est, si ma mémoire est bonne, dans le livre 6 du chapitre 1 de l'Éthique à Nicomaque, que Aristote nous dit que nous n'avons pas besoin de l'idée de bien pour bien agir, que l'idée de bien n'est pas nécessaire aux tisserands, aux charpentiers, à l'homme politique, au médecin, que ce qui est important, ça n'est pas le bien en soi, mais le bien pour nous. Mais précisément pour éviter cette accusation de se perdre dans la diversité bigarrée et relative du monde, il va dire que bien sûr tous les hommes ne cherchent pas les mêmes biens, mais il y a un bien commun à tous les biens qui est le bonheur. Et tous les hommes cherchent le bonheur, même si le bonheur du tisserand n'est pas le bonheur du médecin. Eh bien, je me sens très aristotélicien, toute chose égale par ailleurs, je refais au sujet du poil le geste qu'Aristote fit au sujet du bien. Il ne s'agit pas de fermer totalement les yeux sur cette idée de poil dont dérive, dont procèdent tous les poils, mais il s'agit aussi fondamentalement de s'intéresser à ce que nous en faisons, parce que je crois que, justement, vous voyez, là, il me semble qu'il y a un abîme entre les cils de sa bien-aimée et puis les très longs poils qu'ont dans les oreilles ces vieux hommes que je voyais chez mes grands-parents. Vouloir à tout prix homogénéiser ça n'est pas rendre hommage phénoménologiquement à cette diversité merveilleuse, variée, bigarrée, ondoyante et divers de la pilosité. Mais néanmoins, c'est l'écart entre ces deux manifestations, ces deux phénomènes du poil qui vous intéresse de rendre compte. Qu'est-ce Exactement. Qui unit ces deux phénomènes très distincts, malgré tout, sans les réunir à tout prix, sans les uniformiser, sans les essentialiser? Exactement. Merci de cette synthèse que j'étais incapable de faire. Et ben, je vous propose d'écouter un autre extrait, Eric Fiat. C'est un extrait d'un film incroyable, magnifique. Que dire de plus? La Belle et la Bête de Jean Cocteau. N'ayez pas peur. Je n'aurai pas peur. Belle, acceptez-vous que je vous voie souper? Vous êtes le maître. Non. Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance? Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours et je n'ai pas l'habitude qu'on me serve. Mais je devine que vous faites l'impossible pour essayer de me faire oublier votre laideur. Mon cœur est bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstrueux que vous et qui le cachent. Outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Vous avez l'esprit de vous rendre compte. Quel extrait donc de ce film de Jean Cocteau de 1946, La Belle et la Bête, interprété par Josette D. et Jean Marais. Film magnifique et qui permet de poser une des dimensions paradoxales du poil. D'un côté, le fait qu'il rappelle la bête en l'homme, en fait, ce poil qu'on peut certes dominer, maîtriser, rappelle cette bestialité en chacun de nous, bestialité qu'on tenterait à tout prix de maîtriser, de cacher, qu'on voudrait dissimuler, et qui en cela fait signe vers la pudeur et rappelle qu'on est homme. Le poil est à la fois ce qui révèle notre bestialité et nous rappelle qu'on est un homme. C'est ça, Eric Fiat ? Mais tout à fait. En effet, peut-être que un imaginaire très archaïque voudrait que il fût difficile d'être riche en spiritualité et riche en pilosité. D'ailleurs, pensez à Dr Jekyll et Mr Hyde. La métamorphose de Dr Jekyll en Mr Hyde, c'est d'abord de plus en plus de poils. Il y a en effet la belle, presque imberbe. Alors, elle a des cheveux, on voit les cheveux. Magnifique, blond. Bien sûr. Là encore, pour résister à l'homogénéisation de tous les poils, je trouve qu'il y a, pour une fois, une supériorité de la langue française sur la langue anglaise, c'est peut-être pas la seule d'ailleurs, puisque en anglais, ils emploient le même mot, hair, H-A-I-R, pour parler des cheveux et des poils. On parle des poils pubiens comme de pubic hair. Alors qu'en français, on distingue entre les cheveux et les poils, précisément parce qu'on peut imaginer aux anges des cheveux d'ange, mais difficilement des poils pubiens, n'est-ce pas ? Et donc il y aurait d'un côté le docteur Jekyll, presque imberbe, et Mr Hyde, très très poilu, la belle presque nue, et la bête Gainsbourg et Gainsbard. Cette idée d'une inconciliabilité entre la spiritualité et la pilosité est quelque chose en effet de très archaïque. Alors je vous suis là encore totalement, puisque alors il semble que dans le long cheminement de l'évolution, autant qu'on en puisse juger, parce que peut-être que d'autres préhistoriens viendront corriger ces images d'Épinal qu'on nous a inculquées dans notre enfance. Mais enfin, moi je me souviens de cette planche où on passait d'une espèce de singe à un homme, quel bel homme, et progressivement on se redressait, progressivement on était plus intelligent, progressivement on était moins poilu. Et en effet, notre nudité ontologique est quelque chose d'inoubliable. Les animaux naissent vêtus. Nous naissons à poil. Nus. Alors presque, en effet, nous naissons nus. Et Lévinas a écrit de très belles choses sur la nudité, puisque la nudité du petit homme, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait qu'il est exposé à l'outrage, fragile. Cependant, et au fond, notre nudité marque notre étrangeté au monde. L'animal, ça nous spécifie, c'est ça que vous voulez dire. Par rapport à l'animal, c'est-à-dire qu'on a déjà moins de poils, ce qui fait que l'humanité est déjà visible par cette, on va dire, cet effacement, cette rareté des poils. Tout à fait, exactement, oui. Le déshabillage de l'animal ne peut être que son dépeçage. Il naît au monde riche d'une pilosité ou qui précisément lui permet d'y trouver sans avoir besoin de beaucoup les chercher, les chemins de son existence. L'instinct trouve sans chercher. L'intelligence cherche sans d'abord trouver. Et nous venons au monde sans le mode d'emploi du monde, notre nudité, le fait que nous n'avons pas assez de poils pour ne pas mourir de froid, est l'indice d'une forme d'étrangeté. Mais en même temps, nous en avons quand même. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ce qui résiste. Mais bien sûr, nous en avons quand même. Et c'est comme si cette pilosité était l'indice, l'attestation d'une forme d'animalité, d'une forme de bestialité qui nous est toujours un peu problématique. C'est ce qui me conduit... Ah, parce que je voudrais dire un petit mot de Vivaldi. Allez-y. C'est ce qui me conduit... C'était si beau. C'est ce qui me conduit, au fond, à admirer profondément l'anthropologie pascalienne. Qu'est-ce qu'à dire ? Pascal nous dit que l'homme n'est ni ange, ni bête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'il soit ni ange ni bête? Et la femme qu'on a entendue tout à l'heure chantait comme un ange, hein, un angelo. C'était une voix ni féminine ni masculine, presque une voix d'enfant. C'était chanté par Julia Lesneva, c'est donc Vivaldi « Tunc meus fletus », extrait de « In furore justissimae », je le dis en façon latine, « Irae ». Voilà, et c'est donc chanté par Julia Lesneva. Voilà, qui a une voix en effet presque d'enfant. Il est étonnant que cette femme qui chante comme un ange, eh bien, ait, comme Freud le dira peut-être tout à l'heure, eh bien, des fonctions excrémentielles, des fonctions sexuelles et une pilosité, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop. Je reviens à Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec l'angélisme et la bestialité, qu'il serait une sorte de tiers, une sorte de neutre, comme le neutre n'a aucun rapport ni avec le masculin ni avec le féminin? Non, l'homme n'est ni ange ni bête parce qu'il est mi-ange. Mi-bête. Mais est-ce que ça veut dire que l'homme serait un hybride, au sens où le centaure est un mélange de masculinité et de chevalinité, je ne sais, au sens où la sirène est un mixte de d'oiseaux et de femmes? Non, parce que dans l'hybride, vous avez deux parties séparées d'une couture toute franche. Eh bien non, en l'homme, l'unité de l'angélique et du bestial n'est pas statique, mais dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des oscillations perpétuelles. Nous oscillons entre l'angélique et le bestial, et il n'y a pas une partie bestiale qui serait le corps et une partie angélique qui serait l'âme, point du tout. Nous sommes des dissonances incarnées, comme disait Nietzsche, et c'est précisément ça qui est à l'origine de la pudeur. La pudeur, c'est cette gêne qu'éprouve en nous l'être d'esprit à la pensée qu'il est aussi un être de nature. La pudeur, c'est l'esprit qui rougit du corps. Et en effet, alors il y a certaines parties de notre corps dont nous ne rougissons pas, car on voit assez vite le rôle qu'elles jouent dans notre vie spirituelle. D'ailleurs, c'est les parties que nous montrons, le visage et puis les mains. La main est symbole d'intelligence, disait Aristote. Bon, mais il y a des parties qui nous gênent un petit peu. Et la pudeur, c'est pas la honte, mais c'est cette puissance de honte ou cette honte en puissance qui fait qu'il y a en nous du difficilement assumable. Mais je dirais que je préfère tout de même, plutôt qu'un déni massif de l'animalité, quelque chose comme son assomption. Voilà pourquoi je préfère... C'est-à-dire son assomption. Ça veut dire assumer. Je dirais oui, que... Oui, mais dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire assumer dans ce cas-là? Oui, pardon, je vous répondais en supposant qu'il fallait expliquer le mot alors qu'il non, est, non, qu'il non, est non, tout mais à fait... je vous en prie. Tout à fait simple. Je dirais que toute notre vie, nous hésitons, nous oscillons entre le ressentiment et l'assomption. Le ressentiment, c'est... Mais, Seigneur, pourquoi m'as-tu donné cette guenille puante? C'est ce que disait Sainte Thérèse d'Avila. Et on voudrait pouvoir, en effet, devenir un ange. L'assomption, c'est, bon, ben voilà, la nature m'a donné ce corps, mais il est peut-être possible que je l'assume. Mais je crois qu'on ne peut pas faire l'assomption du corps propre seul. Et c'est là que l'amour joue un rôle fondamental. Et c'est là qu'en effet, parce que la belle a finalement aimé la bête a pu assumer quelque chose de sa bestialité. Mais ce que je regrette presque, c'est qu'à la fin du film... Il redevient un homme? Ben oui, et qu'il n'ait presque plus de poils. En fait, si l'amour avait été réel, elle l'aurait aimé poilu, nom de Dieu. Et c'est précisément ce qu'elle ne fait pas, comme si tout de même il se maintenait quelque chose comme un ressentiment à l'endroit de la pilosité. Je faisais des chapeaux, les coiffures pour les mariés, les choses comme ça, qui sont du sur-mesure, donc qui demandent beaucoup d'attention pour les clientes une par une. Et puis, très vite, en fait, j'ai rencontré des femmes qui demandaient la même chose, mais pour du quotidien, parce qu'elles suivaient une chimiothérapie, que c'était un moment difficile de vie. On perd ses cheveux, donc il faut absolument avoir quelque chose sur la tête. On supporte pas forcément tout le temps la perruque, ou on n'a pas envie de mettre une perruque. C'est très bizarre la relation à la perruque, à l'image qu'on a avec ou sans. Et donc, elles avaient envie d'avoir quelque chose sur la tête. Donc, il fallait quelque chose qui refasse un joli volume. Le même travail, en fait, que je faisais pour les chapeaux. Et puis, qui soit confortable, qui règle des problèmes techniques, qui couvre bien la tête, qui puisse pas bouger, qui se lave facilement. Plein de petits problèmes comme ça, techniques, qui sont du quotidien. D'avoir quelque chose sur la tête, c'est presque une protection. C'était une archive d'une émission sur France Inter diffusée le 1er janvier 2001. C'était Agnès Hérard qui donc raconte son expérience par rapport à ces femmes qui ont subi des traitements de chimiothérapie. Et là, à l'inverse de ce qu'on a entendu tout à l'heure avec La Belle et la Bête, c'est une autre dimension paradoxale du poil, des cheveux là. C'est que les restes de pilosité est une honte parfois, c'est un rappel de la bestialité. En revanche, ne plus du tout avoir de cheveux et de poils est une perte d'humanité et rencontre une autre dimension de la pudeur qui est la honte, Eric Fiat. Tout à fait. Alors en même temps, ce qui fait le plus de peine à celles et ceux, comme on dit aujourd'hui, qui subissent l'alopécie consécutive à la chimiothérapie, c'est la perte des cheveux. Plutôt que celle des poils aux aisselles, des poils aux croupions, des poils aux pieds, parce que je maintiens quand même une différence, alors non pas ontologique, mais tout de même phénoménologique, si vous voulez. Il y a quand même les sourcils, par exemple. Mais justement, voilà, cheveux, sourcils et cils, ce sont des poils, et pourtant, ils jouent dans la capacité que nous avons de transformer ce corps que nous n'avons pas choisi en un corps expressif. Un rôle absolument fondamental. La disparition des cils et la disparition des sourcils, eh bien, est quelque chose qui prive le patient et la patiente, justement, de ce foyer d'expressivité qui est le sourcil permet d'être sourcilleux, d'interroger. Il y a des textes absolument admirables des poètes là-dessus. Qu'est-ce qui est douloureux dans la perte totale des cheveux? C'est que c'est une perte de souveraineté. C'est-à-dire que l'homme, je dirais, est comme maître et possesseur de son corps, pour penser à Descartes. Mais il faut insister sur le « comme ». C'est-à-dire que nous ne sommes pas maître et possesseur de notre corps au point que nous puissions en changer à loisir. Il y a quelque chose comme une résistance du donné. Et je prends souveraineté sur ce corps que je n'ai pas choisi en relevant une mèche, en coupant les cheveux courts ou longs, en clignant des yeux, en rendant mes sourcils interrogatifs ou joyeusement interrogatifs ou au contraire tristement suspicieux. Eh bien, perdre tout ça, c'est perdre quelque chose comme une souveraineté, voyez. Mais c'est une autre problématique en fait du poil, c'est que à la fois c'est la chose de notre corps la plus malléable qui soit, sur laquelle on peut le plus agir, on peut tout faire en fait avec ses poils et ses cheveux, et néanmoins il y a quelque chose qui résiste, qui fait qu'à défaut peut-être de parler d'essence, il y a une forme de persévérance à être du cheveu et du poil. D'ailleurs, en fait, on peut dire qu'en fait les cheveux et les poils continuent à pousser alors même que nous sommes morts. Donc il y a quand même quelque chose une persévérance, une forme de conatus du poil ou du cheveu. Alors cette persévérance, je la vois comme la persévérance de la phusis, c'est-à-dire de la nature. Le mot que les Grecs employaient pour dire nature, c'était phusis. Mais phusis vient du grec phuein, qui veut dire croître, pousser. Et en effet, ce qui est le plus physique, le plus naturel en notre corps, c'est cette éternelle poussée dont vous parliez au départ. On a beau les raser, les couper, et ça revient toujours. Cette éternelle poussée est l'indice, en effet, qu'il y a en nous un reste de terre, comme dirait Freud, c'est-à-dire quelque chose qui maintient notre animalité. Cette persévérance, c'est la persévérance de la phusis. Notre corps est à nous. Je trouve merveilleux qu'on ait progressé vers ce qu'on appelait chez les juristes l'habeas corpus. Le corps de l'esclave n'était pas à lui, il était au maître. Et d'ailleurs, je remarque que dans les rites sadomasochistes, le corps du soumis ou de la soumise est entièrement maîtrisé par le maître, qui justement va tondre et déterminer ce qu'il en sera du rapport à la pilosité. Mais l'habeas corpus est une chose magnifique, mon corps est à moi. Oui, mais il n'est pas totalement à moi, car en moi, il y a cette forme d'étrangeté qu'est la nature, cette persévérance de la nature, avec laquelle il faut que je négocie, qu'il faut que je gère, dont il faut que je m'accommode. Et alors, ça peut aller en effet jusqu'à, je parle de pudeur. Il faut distinguer entre la pudeur et la honte. Le honteux se tait. Le pudique s'exprime par la litote ou l'euphémisme. Le honteux voudrait disparaître à tous les regards. Le pudique se montre sans se montrer, n'est-ce pas? Et je crois en effet que tout malade qui arrive à l'hôpital est impudique, c'est-à-dire un honteux en puissance. La pudeur, c'est la possibilité de la honte ou une honte possible, mais le passage de la pudeur à la honte dépend de la délicatesse ou de l'indélicatesse des autres. C'est-à-dire que si les autres vous assignent à ce que vous ne voulez pas montrer, si les autres vous objectivent, si les autres ne jettent pas un voile de fin silence, une ombre de délicatesse sur ce corps qui est honteux d'être exhibé, alors là oui, la pudeur va dégénérer en honte. Mais nous avons tous, je crois, ce pouvoir de délicatesse de faire en sorte que le pudique ne devienne pas honteux. C'est peut-être un des devoirs des soignants. Nous imputons à la féminité un narcissisme plus développé, de sorte que chez la femme, le besoin d'être aimée est plus grand que celui d'aimer. C'est encore l'envie du pénis qui provoque la vanité corporelle de la femme, celle-ci considérant ses charmes comme un dédommagement tardif et d'autant plus précieux à sa native infériorité sexuelle. La pudeur, vertu qui passe pour être spécifiquement féminine et qui est en réalité bien plus conventionnelle qu'on pourrait croire, a eu pour but primitif, croyons-nous, de dissimuler la défectuosité des organes génitaux. Nous n'avons garde d'oublier que plus tard, elle a assumé d'autres fonctions encore. On pense que les femmes n'ont que faiblement contribué aux découvertes et aux inventions de l'histoire de la civilisation. Peut-être ont-elles cependant trouvé une technique, celle du tissage, du tressage. Si l'on est vraiment ainsi, on est tenté de deviner le motif inconscient de cette invention. La nature elle-même aurait fourni le modèle d'une semblable copie en faisant pousser sur les organes génitaux les poils qui les masquent. Le progrès qui restait à faire était d'enlacer les fibres plantées dans la peau et qui ne formaient qu'une sorte de feutrage. Si vous qualifiez cette idée de fantaisiste, si vous pensez qu'en attribuant tant d'importance au rôle que joue dans la formation de la féminité le manque de pénis, je suis la proie d'une idée fixe et alors je reste désarmé. C'était un extrait des nouvelles conférences sur la psychanalyse, 5e conférence, la féminité, par Sigmund Freud, interprété par Bernard Gabay. Alors c'est un texte vraiment étonnant, Eric Fiat, où on entend vraiment la manière dont le poil non seulement ne nous appartient pas complètement parce qu'il révèle quelque chose de notre nature, qu'il résiste par lui-même, mais en plus il est la prise, il est en proie à une forme de civilisation. À la fois c'est maîtriser son poil que de le tresser, comme on l'entend avec cette technique du tissage des femmes, et en même temps c'est un reflet d'autre chose que soi, à savoir la civilisation. Bien sûr, notre corps est à nous, habeas corpus, mais je dirais que nos poils, nous les travaillons dans une double allégeance, une allégeance à la fucis et une allégeance à la police, P-O-L-I-S. La cité. C'est-à-dire que, bien sûr, mes poils sont à moi, mais je n'en fais pas ce que je veux, puisque la nature en fait pousser là où je voudrais peut-être pas qu'ils poussent, et n'en fait pas pousser là où je voudrais qu'ils poussent. Donc je ne suis pas maître de mes poils, puisque la nature m'impose leur apparition incongrue ou leur disparition malheureuse. Voilà pour la fucis. Et de l'autre côté, la police, c'est-à-dire la cité. Et en effet, chaque cité inculque aux êtres qui l'habitent un certain usage du poil. À l'époque, l'usage féminin et l'usage masculin étaient très différents. Dans le texte, on entend quelque chose comme une séparation cadastrale entre le féminin et le masculin, et on est un peu revenu là-dessus, et tant mieux. Mais c'est vrai que dans l'usage des poils, infinis sont nos caprices et fantaisies. Pour parodier Pascal, qui disait justice, plaisante justice qu'une rivière borne, enfin la relativité dans les usages de la justice, on pourrait dire, pour parodier Pascal, on ne voit rien de séant et de malséant qui ne change en changeant de climat. Un méridien décide de la pilosité, en peu d'années, les lois fondamentales changent. Le poil à ses époques, l'entrée de Saturne dans le lion provoque l'origine d'un permis ou l'origine d'un interdit. En effet, notre propre rapport à nos propres poils, et nous le vivons dans une négociation permanente entre la nature et la cité. Et je dirais que ce que chacun fait de ses poils se vit dans, justement, La tension ou la détente entre ces deux pôles. Alors cette idée que le poil est vraiment en fait une sorte de matière hein, sur laquelle qui va être travaillée par des normes, par des constructions sociales, c'est vraiment quelque chose qu'on entend là dans le texte de Freud. Ce n'est pas seulement un signe de culture opposée à la nature, ce n'est pas seulement un va-et-vient entre les deux. C'est aussi l'idée que avec le poil se cache derrière ce qui semble le plus dérisoire comme le poil une forme de puissance en fait des normes qui peuvent nous toucher et qu'on peut intérioriser. Cette question de l'intériorisation est fondamentale. Dans le texte, j'entends aussi une sorte de fascination freudienne pour ce qu'il appela ailleurs le continent noir. Le continent noir, c'est-à-dire la féminité. Comme si, alors, la pilosité féminine avait quelque chose de plus fascinant pour Freud que la masculine. La pilosité pubienne, je dirais qu'à la fois elle révèle et à la fois elle protège. Elle révèle, puisqu'elle est révélatrice de la dimension sexuelle du corps féminin, dans la mesure où les enfants n'ont pas de poils là, et que comme signe sexuel secondaire, comme on dit, l'apparition de la pilosité est comme une attestation, un aveu, un indice du fait qu'il ne s'agit pas d'un ange, justement, mais qu'il s'agit là d'un être ayant quelque commerce avec la bestialité. Mais en même temps, cette pilosité protège. Parce que il y a un texte de Lévinas où Lévinas dit « Même nu, l'être humain est vêtu de sa pudeur ». Et alors, en effet, quand on est mis à nu sous le regard d'autrui, souvent on essaie de réintroduire une ombre là où il n'y a que de la lumière. Oui, on peut se cacher le torse, voilà. On peut se cambrer un peu c'est pour ça. Se protéger le sexe. Effectivement, on peut se dérober. On peut se dérober. La pudeur, c'est la vertu du clair-obscur. Hein. On n'est ni en pleine lumière, ni en toute obscurité. Être pudique, c'est désirer que demeure quelque chose de caché dans le montré. Voyez. Et alors, le problème, c'est que quand on ne peut plus, en effet, mettre ses mains ou serrer les cuisses, bon, et qu'on est obligé d'être nu, il y a encore cette pilosité qui peut être vue comme la métonymie de la pudeur, si vous voulez, comme quelque chose qui protège. Et c'est toute la dialectique, là aussi, du poil, qui est de à la fois protéger, mais si on le prend à l'inverse, protéger et en même temps indiquer. C'est-à-dire que le poil fait aussi signe vers cette sexualité-là. L'apparition du poil, c'est l'entrée à la fois dans la sexualité, c'est l'entrée dans l'érotisme, c'est entrer aussi dans le genre. Là, il faut quand même distinguer, parce qu'en plus le texte de Freud le fait très clairement, distinguer le rapport des femmes au poil, des hommes au poil. Alors peut-être qu'on est dans une époque de déconstruction des genres. Alors j'aime beaucoup, j'ai entendu cette citation selon laquelle nous serions l'époque de la depilatory age, donc à savoir l'âge, l'époque épilée en fait on pourrait dire, l'époque dépilatoire qui pourrait brouiller les pistes, mais en même temps qui aussi permet de révéler en creux toutes les normes, à savoir le féminin devait être lisse et le masculin devait être dru. Il n'a pas fallu attendre les gender studies pour savoir qu'il y a de la masculinité chez la femme et de la féminité chez l'homme. Là encore, Platon l'a fort bien dit. Enfin, il y a des tas de textes où Platon montre l'essentielle ambivalence de ces choses-là. Mais en même temps, la formule le mot de déconstruction est un mot que moi j'ai appris sur certains bancs d'une certaine école dans la bouche d'un certain Jacques Derrida. Et je dirais que je comprends qu'on déconstruise les stéréotypes de genre pour parler la langue gelée de l'époque. Hein, les paroles gelées, comme disait Rabelais, c'est les paroles qui ne sont pas vives. Bon, mais alors, Derrida ne vivait pas la déconstruction comme une destruction, comme une abolition des différences. Je pense que toute sa vie, Derrida a été à la recherche ardente et humble de quelque chose qui fut indéconstructible. Il ne déconstruisait pas les textes pour le plaisir malin de dire que ça ne tient pas la route. Derrida avait une ferveur vis-à-vis des grands textes, mais en même temps, il voyait leurs faiblesses, et c'était toujours avec un certain regret qu'il les disait. Eh bien, moi, je pense que la distinction entre le masculin et le féminin, bien sûr, est en bonne part construite. Mais c'est pas parce que c'est construit que ça doit forcément être déconstruit. Vous voulez dire détruit. Détruit, voilà. Détruit. Voilà, la déconstruction peut être autre chose qu'une destruction. Et surtout, j'aimerais que cette question du rapport à sa propre pilosité ne fût pas entièrement déterminée par l'idéologie. Par l'idéologie selon laquelle, il faut absolument aller vers une indistinction, une indifférenciation. Je me sens profondément féministe, et être féministe, c'est être pour l'égalité et la parité. Mais on peut être féministe sans en même temps vouloir l'indifférenciation des hommes et des femmes. Et je m'enchante aujourd'hui et je m'enchanterai toute ma vie de quelque chose comme une différence sexuelle. Parce que ce que j'aime, c'est ce que la civilisation fait de cette différence naturelle. Alors évidemment, si elle n'en fait que de la domination, c'est un scandale. Mais je crois qu'on ne peut pas aborder la question du masculin et du féminin avec uniquement cette idéologie qu'il y a des dominants et des dominés. Oui, il y a de la domination, elle est terrible. Mais les rapports hommes-femmes ne sont pas entièrement réductibles à quelque chose de l'ordre de la domination. Je vous propose d'écouter Éric Piolle parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Mon Dieu, un poème de Baudelaire qui va permettre de relancer cette discussion quand même sur les normes de genre qui ne sont pas forcément tout le temps exprimées en termes de domination, mais qui néanmoins imposent un rapport très normé et très codifié à notre corps. J'aime, ô pâle beauté, tes sourcils surbaissés d'où semblent couler des ténèbres. Tes yeux, quoique très noirs, m'inspirent des pensées qui ne sont pas du tout funèbres. Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux, avec ta crinière élastique. Tes yeux languissamment me disent « Si tu veux, amant de la muse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité et tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité. Depuis le nombril jusqu'aux fesses, tu trouveras au bout de deux beaux seins bien lourds, deux larges médailles de bronze, et sous un ventre uni, doux comme du velours, bistré comme la peau d'un bonze, une riche toison qui vraiment est la sœur de cette énorme chevelure, souple et frisée et qui t'égale en épaisseur. Nuit sans étoiles, nuit obscure. C'était À poil, une chanson de Guédré, juste après ce poème, de Baudelaire, Les promesses d'un visage, dans le recueil Les épaves, interprété par Bernard Gabay. On retrouve dans ce poème tous les clichés, d'une certaine manière, associés à la femme et à sa pilosité, à son rapport aux cheveux, en termes esthétiques, en termes érotiques. Et il ne s'agit pas tant de se sentir féministe tout en voulant préserver une différence, mais aussi d'être féministe en déconstruisant et non pas en détruisant forcément des normes qui font que même dans nos poils, même dans nos manières de nous coiffer, on reste d'une certaine manière soumis à des normes qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'elles sont tellement puissantes, tellement enracinées en nous, tellement incorporées qu'on a du mal à s'en passer et justement à les déconstruire. Et ça, c'est intéressant de poser ce texte-là de Baudelaire avec cette chanson parce que ça permet de confronter ce rapport aux poils qui reste toujours quand même, on doit le dire, assez aliéné, Éric Fiat. Oui, évidemment, ce texte est fort daté, en un sens. On y voit la fascination de beaucoup de poètes du XIXe siècle pour ce qui devait ne pas se dire, cette pilosité féminine. Théophile Gautier a vu certains de ses vers censurés parce qu'ils faisaient allusion justement à cette pilosité-là. À l'époque, une femme ne devait pas sortir les cheveux lâchés. Sinon, on disait que c'était une femme en cheveux, c'est-à-dire une femme impudique. J'ai toujours connu mes arrière-grand-mères, grand-tantes, les cheveux soigneusement tenus par un système de chignons. Et lorsque je vis mon arrière-grand-mère sur son lit de fin de vie, j'aperçus de longs cheveux blancs que je n'avais jamais vus. Je participe encore de cette époque-là où on avait appris le corps féminin avant que de le rencontrer dans une littérature qui voulait justement que une femme n'ait pas avec ses poils le même rapport qu'un homme. Nous avions le droit d'être poilus, elle n'en avait pas le droit, et le fait qu'elle le fût était quelque chose à la fois fascinant et inquiétant et désirable en même temps. Encore aujourd'hui d'ailleurs, une femme qui refuse de s'épiler et de se laisser pousser les poils sous les aisselles, sur les jambes, a quelque chose de contestataire. Et on voit bien que le poil et les cheveux sont un enjeu à la fois en fait de mon identité. Que reste-t-il de moi si le poil n'appartient qu'à la nature, qu'à la culture, qu'aux normes sociales de genre, et j'en passe. Et que reste-t-il aussi de moi, mais politiquement, dans la manière d'investir le politique moi seul, si je suis normée jusque-là ? Oui, si vous voulez, je parlais d'idéologie tout à l'heure. La déconstruction des normes qui, je le répète, ne saurait être sa destruction. Leur destruction. La déconstruction des normes ne nous oblige pas à penser le féminin et le masculin comme chose totalement construite. J'aimerais que, parce que je n'ai aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de reprendre un contrôle sur son propre corps, mais je n'aimerais pas que le rapport au corps fût entièrement déterminé par l'idéologie. J'aimerais que... Et inversement, par des normes dont on hérite depuis des siècles. Mais bien sûr. Ce que j'ai envie de célébrer, c'est l'extraordinaire inventivité d'Eros. Ce texte-là dit le rôle érotique de la pilosité. Alors, il s'appelle « Promesse d'un visage » et étonnamment, alors que tout à l'heure, moi, je distinguais entre les cils et les poils pubiens, entre les cheveux et les poils hauts, Baudelaire voit, quand il regarde une femme, il voit sa longue chevelure, il pense à sa pilosité pubienne. C'est très, très étrange, comme si tout ça était homogène. Mais si vous voulez, il ne faudrait pas que l'idéologie nous désérotise. Et je célèbre l'extraordinaire inventivité d'Eros, qui fait qu'aujourd'hui, il est certains êtres qui aiment l'absence totale de poils, d'autres qui aiment au contraire leur abondance. Nous sommes en train d'inventer quelque chose de varié, de bigarré, mais j'aimerais quand même que nos corps ne deviennent pas les effigies d'une idéologie, qu'ils restassent quelque chose comme quand même la possibilité d'un enchantement érotique. Merci beaucoup Éric Fiat. Je rappelle que de vous, on pourra bientôt lire, j'espère, votre essai sur le poil. Ce sera aux éditions de l'Observatoire, dans la collection La Relève. D'ici là, on peut lire de vous Ode à la fatigue, aux mêmes éditions de l'Observatoire. La pudeur, que vous avez coécrit avec Adèle Van Rett, c'est une coédition Plomb France Culture. Et puis j'en cite encore deux, Corps et âme, ou qu'un peu d'incarnation, ça peut pas faire de mal, aux éditions Cécile Defaux, et Grandeur et misère des hommes, petit traité de dignité aux éditions Larousse. Merci beaucoup Éric Fiat. Merci à vous. Vas-y, mets ta moustache. Enlève ta moustache. Remets ta moustache. Ha ha ha! L'équipe des chemins a délibéré. On avait plein de chansons sur le poil. On avait Ariana Grande, on avait Régine, on avait Francis Blanche et finalement c'est Philippe Catherine Moustache. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Le sens critique est-il devenu fou ? La preuve que la critique a quelque chose de vital dans la vie humaine, c'est que, comme toute dimension de la vie, elle peut aussi donner lieu à des pathologies, à des maladies. Il n'y a rien de vital qui ne puisse, en effet, se retourner dans son contraire et de nécessité vitale devenir un problème vital. Il en est ainsi de la critique dans la vie individuelle. Par exemple, quand on se met à tout critiquer, quand on devient soupçonneux, voire paranoïaque, quand on pense que tout le monde nous veut du mal et que rien ne va. Et puis, évidemment, aujourd'hui, peut-être dans la vie commune, dans la vie politique, l'impression que la critique qui était nécessaire à la démocratie se généralise en soupçons sur tous et sur n'importe quoi, quand elle devient un principe de méfiance et de guerre, quand la critique devient généralisée et ne peut plus expliquer son principe. Il y a donc une nécessité de la critique, mais aussi en un sens, et sans aller jusqu'à l'infini, d'une critique de la critique, c'est-à-dire de lui mettre aussi quelques limites à elle-même, d'essayer de trouver quelques critères aussi, quelques critères qui permettent de faire que la critique ne devienne pas son contraire, ne devienne pas de maintien de la vie, et de principes de pensée et de coexistence, d'un principe de mort, ou en tout cas de guerre et de conflit. Quels seraient donc ces critères d'une critique qui éviterait de devenir folle, de devenir pathologique, ce qui est un risque peut-être aussi avec des responsables, des responsabilités qui enflamment, qui enveniment, qui jettent de l'huile sur le feu de nos soupçons et de nos craintes. On pourrait dire d'abord qu'une critique, au fond, raisonnable, qui ne devient pas folle, c'est une critique qui expose, qui explique les principes même de sa démarche, qui dit au nom de quoi elle critique, et qui critique non seulement des gens, peut-être pas d'abord des gens d'ailleurs, des personnes, mais d'abord des actes et des idées qui contredisent un principe bien précis qu'on est capable d'expliciter soi-même, au nom de quoi on critique, et qu'on est capable aussi, c'est peut-être le critère central, de s'appliquer à soi-même, non pas dans une autocritique politique et imposée, mais plutôt dans un geste ironique à l'égard de soi-même, qui montre qu'on ne critique pas seulement les autres, mais qu'on est capable de se critiquer soi-même. Et au fond, c'est peut-être là le contrepoison, l'antidote, à l'opposé, évidemment, de geste critique inverse. Pardon si cette distinction va un peu vite, mais quand même, le geste critique inverse, qui ne critique pas seulement des actes ou des idées, mais des personnes, et sans aucun principe, au fond, argumenté, mais d'abord au nom d'un conflit, au nom d'un danger soupçonné, prétendu, d'une inimitié essentielle, et qui finalement, évidemment, on vient à critiquer seulement les autres et jamais soi-même. La critique des autres, alors qu'on se pense soi-même comme dépourvu de toute critique, comme parfait, la perfection des uns et la contrepartie de l'absolue noirceur des autres, voilà peut-être le critère ultime d'une critique devenue pathologique, d'une critique qui fait autant souffrir finalement qu'elle protège, parce que s'abstenir de voir en soi-même quelque chose à critiquer, s'abstenir d'un peu d'ironie, d'autocritique, même minimale, même partielle, et bien, c'est se faire violence à soi-même. Et c'est pourquoi les esprits critiques réels ne sont jamais seulement chagrins, ne sont pas sombres, mais vous reconnaîtrez un esprit critique équilibré à ce qu'il est inquiet, mais aussi joyeux, à ce qu'il est capable de reconnaître aussi ce qu'il y a de bien, non seulement en nous, mais dans le monde. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture, à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Carla Michel, Manon Delasselle, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda à la réalisation cette semaine et à la prise de son aujourd'hui, Dimitri Paz, et à la lecture des textes Bernard Gabé aujourd'hui et Hélène Losseur à la lecture des textes cette semaine sur l'anarchie. Si vous voulez écouter cette émission sur le poil et toutes celles d'ailleurs sur les objets inattendus de la philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série et dès lundi au programme, les arts d'Arthur Schopenhauer, l'art de se connaître soi-même, l'art d'être heureux, l'art de jouir de la fin du monde et l'art d'avoir toujours raison. Ce sera pour lundi. D'ici là, bon week-end sur France Culture.